بسم الله الرحمن الرحيم. عشقنا لليوم اليوم عجيبا أسئلة الآتية. هكذا الأول أجيب عن الأسئلة الآتية. يقول إن الكتب الجديدة où sont les nouveaux livres. لمن هذه البيوت الكبيرة كبيرة؟ à qui sont ces grandes maisons؟ هاي هي إيش؟ هي المدير الشركة. هاي ليس ليل لي مدير الشركة. ليل ما لي فولم لا يبقى مضاف. Mais si je mets l'île Moudir, ça c'est une erreur. Tout seul. Mais si tu mets l'île Moudir, le Sharika, c'est une grosse erreur. Parce que le Moudaf, il ne prend pas d'alif al-lam. Taïeb. Abouab ou Sayyarati Maftou Hatoun. Est-ce que les portes de la voiture sont ouvertes? Abouab ou Sayyarati Maftou Hatoun. أين أقلام المدرسي؟ بعثيش تتبي جملة مفيدة حتى نرانك فهمت لكن نحاز مفيدة كون وقت بين سامي نعم أبواب السيارة مفتوحة. أبواب السيارة مفتوحة. أين أقلام المدرسي؟ أقلام المدرسي لا في دماغ التاتي فوت شوي صوت لذا. إن الكلاب أين الكلاب؟ الكلاب الكلاب الكلاب هي في الشارع. إن الحمير نعم إن الحمير الحمار الحمار حمير يبقى جم طعمه يبقى جم مفرد حمير حمار مفرد هذا مفرد الحمد لله. أين الحمير جاي هي في الحقول. أين كتابك يا أم كتابك يا مريم؟ أين كتبك يا مريم؟ نعم كتبك ليس كتابك. كتبك لا أنت الآن تبغى تتكلم كيف تقول مريم؟ كيف تبغى تقول؟ كتبك هو في الفاس. تجيب لا كتبك. لا كتبك كتاب. أين كتبك يا مريم؟ طب تمام الآن تقرأ بعض مريم كيف تجيب؟ كما تجيب؟ كتبك من كتابك. لو تقول أين سون تي ليفو مريم؟ دونك مريم va dire كتابي كتبي كتبي نعم كتابي سا سي لا سا ان جملة كتب لا يبغى كتبك. أين كتبك يا مريم؟ أيش تجيب مريم؟ أدي كوا مريم؟ كتبي أين؟ في الفص. أين دفاتر الطلاب؟ دفاتر الطلاب هي في المحفظة. أين الفنادق الصغيرة؟ الفنادق الصغيرة. Toi dis directement hiya, dis pas les fans écoute ça grave hiya kada. L'iman a dit l'aqlam ou l'jadida. L'iman aqlam. L'iman a dit l'aqlam ou l'jadida. L'iman a dit l'aqlam ou l'jadida. طيب ندخل في الدرس الثامن عشر. نعم وهذا الدرس يتضمن شيئين التمييز والمثنى. في الدرس هي دو شوز نوفيل كي فون فينير سي تمييز comme tu vas le voir, et le Moussanna. Le Moussanna, ce qu'on appelle le duel en français, qui prouve sur deux choses. Comment faire un duel en arabe? Dersu Thamin. Thamin Achar. Taïeb, Anna al-Mudari, sur l'Anta Mohamed. Kem akhan naka ya Mohamedou? Li akhan mouahid. Wa kem ukhtan lak? Li ukhtan. Naam, ukhtani. Kem ajaratan li darajat? يا حامد لها عجلتان. كم عيدا في السنة يا زكريا؟ في السنة وفي السنة عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. يا مريم أبوك تاجر كبير كم متجرا عنده؟ عنده متجران كبيران. كم نافذة في غرفة غرفتك يا إسماعيل؟ فيها نافذتان. لمن هذان دفتران؟ هما لي. لمن هاتان مستران أو مسترتان؟ مسترتان، نعم مسترتان. هما لي. طيب أكرم مثنى واسمه Ismoun yaddulu al isnain ou snatain, c'est un nom qui démontre le duel, deux choses. C'est-à-dire en arabe, pour dire deux, tu prends le nom, le mot dans sa forme originelle, c'est-à-dire de mufrad, et tu rajoutes un alif et un nun maqsoura à la fin. Ah ok. Là, c'est comme on dit ismou sita asmaou. Ah? Ça, c'est ici, fait partie de l'asma aussi. Là. On n'est pas là-dedans. Là, on est dans Moussanna. Moussanna, c'est une chose qui prouve deux. Vous voyez? Ou l'ismoun yadoulou l'asnaïn ou snatain. Donc, c'est juste. Vous voyez, par exemple, pour dire deux, pour dire par exemple, qalam, tu veux dire isnan, de stylo, tu veux dire qalamani. Tu ne veux pas dire isnan aqlam. Ça c'est pas les Arabes parlent pas comme ça. Ça on parle comme ça dans notre langue. Mais chez les Arabes parlent pas comme ça. Tu vas dire kalamani. Tu prends kalam, le mot d'origine, tu mets un alif et un nun avec une kasra. Kalamani. Et bait, baitani. Rajul, rajulani. Walad, waladani. Ainsi de suite. Ça veut dire deux. Chacune de ces choses, maintenant sont deux. Comme on dit le duel. Ça s'appelle al-musanna. Et al-musanna. Et pareil, pour le Muzakar, le Mouanna, c'est pareil. Par exemple, Sayyara, tu veux dire Sayyaratani. Après le ta, tu rajoutes un alif et un nun. Voyez? Mistara, c'est une règle. Là, c'est dans le texte, Liman Hatan Mistaratan, à qui sont ces deux. D'ailleurs, on va traduire le texte pour les frères, tu vois, parce qu'on n'a pas traduit. Le Moudali, c'est cool. Kam Akhanlak Ya Muhammadou. Combien de frères as-tu au Mohammed? Mohammed Yakul, Li Akhun Wahid. J'ai un seul frère. On va dire c'est cool. Wakem uchtan lak. Et combien as-tu de sœurs? Mohamed li uchtani. J'ai deux sœurs. Kem ajalatan idrajati ya hamidou. Combien de roues a le vélo ou la moto? Ça dépend ce qu'on veut dire. Oh Hamid. Hamid dit elle a deux roues. Et on va dire c'est cool. Kem idan fi sanati ya Zakaria. Combien de id dans l'année au Zakaria? Yib id. Ma'louf ou sana c'est l'année. في السنة عيداني وما عيد الفطر وعيد الأضحى. Donc il dit dans l'année il y a deux عيد. La première Elles sont plutôt Eid al-Fitr, celle qui a pour Ramadan, ou Eid al-Adha, celle qui a pendant le Hajj. Al-Mudarris, il dit Ya Maryamu, Abu Kitajirun Kabirun, Kam Madjaran Indahu. Ô Maryam, ton père est un grand commerçant. Combien de commerces a-t-il, ou de lieux de commerce, on va dire. Madjaran, ça peut être aussi Dokken. Ça peut être aussi Marna Dokken, un lieu de commerce. Afin de dire, il y a Mariam ou il y a Ibrahim ou Afan Ibrahim. Il y a Ibrahim, j'ai dit Mariam, je crois. Il y a Ibrahim ou Abu Kaita Ajirun Kabirun. Kamat Jaran Andahu. Ibrahim Yakul, Indi Madjarani Kabiran. Andahu Madjarani Kabiran. Il a deux grands commerces. Al-Mudarris Yakul. Kam Nafizatan, Firul Fatika, il y a Ismail. Combien de fenêtres dans ta chambre, ou Ismail? Ismail Yakul, Fiha Nafizatani. Il y a dedans deux fenêtres. Elle a deux fenêtres. Al-Mudarris Yakul, Liman Hadani Daftarani. À qui sont ces deux cahiers? Donc regarde. Hazani, c'est quoi ça? C'est Ism Shara. Ism Shara. C'est plus le Hada. Parce que maintenant c'est pour deux. C'est Ism Shara et le Musanna. On a pris Hada, le Muzaka le Mufrad. Hazihi, le Muzanna le Mufrad. Maintenant, Hazani, le Musanna le Muzakar. Le Muzakar le Musanna. Tu dis Hazani. طيب هذان فانت تقول هذان رجلان علي يقول هما لي قياد ذلك تقول هما فهذا الضمير منفصل في المثنى de هم او de هو طيب هم في جمع مذكر هو مفرد مذكر فهما في Huma, c'est Moussanna Muzakkar, c'est eux deux. Rib, Esh. Esh Torib. C'est-à-dire c'est Moussanna de. Hum et Hua. Hum et Hua aussi. Bah, Huma est entre Hua ou Hum. Hua. Les Hua, c'est au singulier. Ah oui, et Hum, c'est au pluriel. Bah, Huma est entre les deux. La forme. Donc huma, c'est un damir munfasil. Ayyib. Al-Mudarris yakul liman hatan mistaratan. Donc hatani là c'est quoi? C'est un ism ishara lil mu'annas al-musanna. Là c'est le musanna de hadihi. Ayyib, tu dis hatan bintani. Ayyib, et tu diras hazani rajulani. Mathalan. Et huma, ah, j'ai oublié, Huma, il est mixte. Il est mixte, taïb. Il rentre pour Hum et Hunna, voilà ça. Hum, Hunna, Wahua, Wahia. Huma, il rentre, il est mixte, les mutlaq. J'ai oublié de le dire là. Bah, Yunus, c'est cool, Huma Ali. Comme tu peux le voir maintenant, ils utilisent Huma pour le Mouannas. Mistaratani. Taïb. Al-M. Donc ça c'est important, comme on dit, comme je t'ai dit, il ne faut pas dire Indi Snan Aqlam. Ça se dit pas ça. Tu dis Indi Qalamani, Indi Baytani, Indi Zojatani, Indi Waladan, ou Bel Lir Waladan, ou Lir Zojatan, comme on a dit, pas Indi, évitez de dire Indi. Ainsi de suite. Taïeb. El Tamis, ça veut. Taïeb. Il y a aussi. Ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir là. Donc là, on se concentre sur quoi? Sur le Moussanna. Donc là, on n'a fait que le Moussanna. Naam. Tamiz y arrive après, Naam, Inch'Allah. Yakul Ajib, ane asilatil atiati moustarmalan et Moussanna. Réponds aux questions suivantes en utilisant le Moussanna, le duel. Kam, qalaman, indek. Combien tu as le stylo? Indek. Non. Indek, il a dit, pas que le indekoum. Ouais, عندي انا. كم كتابا عندك؟ Combien de livres as-tu? كم كتابا عندك؟ عندي كتابا. كم سبورة في فصلكم؟ Combien de tableaux dans votre classe? كم سبورة؟ سبورة سبورة في تابلو. عندنا عندنا سبورة نعم. كم ريالا عندك الآن يا ليلى؟ وعندك الآن يا ليلى كم ريالان؟ ريال سلموني. عندي ريالان. نعم ريالان. كم عمن لك يا آمنة؟ كم يا عفوا كم أخت لك يا علي؟ كم يا سورة يو علي؟ عندي أختان يا علي. لا فتو علي عاصم علي. عندي أختان. نعم كم عمن لك يا آمنة؟ كم يا دوك الفتنة تي أو آمنة؟ عندي أختان عمان. نعم كم صديقان لك يا محمد؟ كم يا دنيا تي أو محمد؟ عندي صديقان. كم طالبا جديدا في فصلكم؟ كم يا نوفو ستوديون دو فوتو كلاس؟ عندنا طالبان. نعم في فصلنا لي با عندنا. يقول كم طالبا جديدا في فصلكم؟ في فصلنا. نعم عندنا نعم في فصلنا. أيوة طالبان. طالبان جديدان. نعم كم مسجدا في قريتكم قريتك يا زكريا؟ كم يا مسجد دون تو فيلاج او زكريا؟ دكوا كم مسجدا في قريتك يا زكريا؟ مسجدان. réponds avec le comme il faut une jumla mufida. في عندنا في قريتنا عندنا لا يا با عندنا في قريتنا مسجدان. نعم فقط تفضل عندنا ماشي عندنا صح. اه بس هي la question elle est plus courte là, là tu allonges la phrase et plus la, les phrases sont courtes mieux c'est. طيب vous avez parlé avec des phrases courtes et concises. Nabi Salam était connu pour être balir, c'est-à-dire qu'il parlait avec peu de mots et il devait comprendre beaucoup de choses. Donc plus tes phrases sont courtes, et mieux c'est. Et mieux. Subhanallah. Hatta hada. Tu peux pas essayer de t'accouler hada bidoun fawda. Nous ça y'a coulé hada. Finis à la cigato là. Subhanallah. لا لا ما هو كذا ما هو كذا لا لا يا طه يكون لا ما هو كذا ما هو كذا لا ما هو كذا لا لا لا نعم طيب اقرا واكتب. يقول خالد له ابنان وبنتان ابنان وبنتان. طيب خالد ا دو فيس اي دو في. في هذا البيت غرفتان كبيرتان. كبيرتان للكوالا كبيرتان. نعم نعم لنادو كيفي غرفتان. طيب جيكي كوم لي فاطمه لا طفلان صغيران. نفس الشيء Fatima a deux petits enfants. Donc si on fait arabe de Fatima, là, Fatima c'est est-ce mon arabe? Là, pour l'instant, on peut pas faire l'arabe de cette phrase-là. Ah bon? Ça sera plus tard, même. On n'a rien vu de à là, part le na. On prend juste le na. Tiflan, c'est quoi Tiflan? On l'a pas fait. Tifl. Ouais. Tifl, c'est un. Non, non, ouais, c'est enfant, mais. Là, pour l'instant, on peut pas l'arabe de cette phrase-là. Ça reviendra plus tard. D'ailleurs, Fatima tu la tiflan soriran. Fatima a deux petits enfants. Li aynan wa udunan wa yadan wa rijlan. J'ai deux yeux, deux oreilles, deux mains et deux jambes ou deux pieds. Fi hada al-hayy madrasatan. Hayy c'est quartier. Donc dans ce quartier, fi hada al-hayy, tu tombes quoi toi, hayy? J'ai pas de harakat. في هذا الحي حي ضمائم الحي ما سنرى في هذا الحي اللي بدل ده هذا هذا اللي مجرور فاعل اخرج اي موميو dans ce quartier il y a deux écoles صلاه الفجر ركعتان طيب la salat du Fajr, deux raka'a. Lil bayti biftahan, la maison a deux clés. Liman hatani, al baqaratani, huma lil fallah. À qui sont ces deux vaches? Elles sont aux paysans. Welcome. Bakaratan. Ma fille jamme là. Hatan, c'est deux. Aïwa. C'est Moussana de Azihi. Voilà. Je dis. Ah bah c'est. Bah. La Moussana. C'est pas jamme. Si, c'est un jamme, mais là on rentre tout là-dedans. On va s'en dire Moussana. Eh, Hazani, Tabibani, Min. Eh, Hazani, Tabibani, Min, Inkaratara, La Human, Faransa. Est-ce que ces deux médecins sont d'Angleterre? Non, ils sont de France. Donc, Hazani, on sait quoi? Ismi Shara. L'île Muzakkar al-Musanna. Wahuma, il s'est donné un fossil. Et d'où al-Musanna. Et le domaine Moutassil, comment? Qu'est-ce que ça coule? Damir al-Moutassil. Leur livre à eux deux. Un kitab. Kitab ou. Je lis. Kitab ou. À eux deux? Aïe, ouais. Là. À eux deux, pas à vous deux. Kitab ou Kulma. À eux deux. Kitabuhuma. Kitabuhuma, naam. Vous voyez? Kitabuhuma. À eux deux, Kitabu Kulma, c'est. Huma, c'est. C'est Raib. Raib. Taïeb. C'est Koryati, Mosdidami, sur Iran. Donc, dans mon village, il y a deux petits mosdides. Taïeb. Ikra, Taïeb. Là, maintenant, c'est Tamiz. Awalan, le Tamiz. Il y a plusieurs catégories. La wa'alat anwa. Voyez, là on va prendre un seul. Celui qui verra après, kam. Wa kam, là, c'est un ism stifham. Voyez, lil adad. Pour définir une quantité. Kam, ce serait combien. Kam, il sera duré par combien. Voyez. Et kam. Il vient derrière lui, un tamiz. Voyez. Ouais, le tamiz, comme tu peux le voir, il est mansoub. Mais Kam lui-même, il n'est pas, c'est pas un tamiz. Non. Ça y est, c'est sifhan. Comme man, comme mata, comme aina. Voyez. La particularité de Kam, c'est que le nom qu'il définit vient après lui, il est mansoub. Ça s'appelle un tamiz. Voyez. Il est toujours mansoub. Il est toujours mansoub. Le tamiz, il est toujours mansoub. Toujours mansoub et nakira. Voyez. Mansoub. Et Mansoub, Taïeb, et Nakira, et Moufrad. Taïeb, Mansoub, Nakira, et Moufrad. Regarde, par exemple, il dit Kem, comme dans le texte, par exemple, il dit Kem, Achen Lak. Combien de frères as-tu? Regarde, Ach. Achen Lak, il est quoi? Il est Tamiz. Regarde, il est Moufrad. Il est Nakira. Et il est Mansoub. Ça, c'est les trois signes du Tamiz. Taïeb. Mansour, c'est-à-dire sa harakat, c'est la fatha. Voyez. Il est nakira, comme tu peux voir, il a tanouin. Et il est mufrad, c'est pas un jam. Donc le mot qui vient après kam, il vient sous cette apparence-là. Mansour, nakira ou mufrad. Il s'appelle tamiz. Voyez, son irlob, c'est qu'il est mansour. Pourquoi il est mansour? Parce qu'il est tamiz. Comme la folbi, il est mansour. Salam, t'as cool. On avait pris quoi? Ouhibbu. Ouhibbullah. On avait dit Allah la Jalala, il est maful bihi. Tu vois? Parce que le fiyar waqa alayhi. Donc c'est un mansoub. Là, c'est un autre genre de mansoub, c'est le roi de Tamiz. Mansoub, t'en as plein. Ils vont venir après. Tu vois? Là, c'est le deuxième qu'on prend. Le premier. C'est comme le marfou, on en a plein, on a pris quoi? On a pris deux. On a pris Mutadal Khaba. Les deux sont marfou, avec une damma. Et d'autres marfou, on est derrière. Le fiyar, on a pris le fiyar aussi. C'est l'année des marfou, on a dit. Tu vois? Il y a plusieurs catégories. Et le mansoub, pareil, il y a plusieurs catégories qui vont arriver. Là, on a pris deux. On a pris Mafoul Bihi. Pareil, il est Marfoua. Là, Marfoua. C'est-à-dire le fial. Le ouais. Fial. Non, mais le fial, il est là, le fial, ça se dépend. On n'est pas encore. Je crois qu'il est Mansoub ici. Là, on a pris Mafoul Bihi. Mafoul Bihi. Les deux Mansoub qu'on a pris dans ce kitab, c'est le Mafoul Bihi. Ah, il y a trois. On a pris Zorf. Le Zorf aussi, des Mansoub. On a pris Zorf. Zorf, il est bien le Mansoub. On a pris même pour le billet. Lequel passe, les deux. Les deux. Les deux. Conduisant, c'est en gros des deux. Bah. Conduisant. Ouais, ça fait d'accord. Akitab ou tahta. Chajarati. Tahta, là, il y a une fatha. Il y a mon soub. Taïeb. Al baytu amama al masjidi. Amama, une fatha. Il y a mon soub. Taïeb. Donc, on a pris trois mansoubat dans ce kitab. On a pris ma poule bihi, vite fait. On a pris le dorf. Et là, on prend Tamiz. Il y en a d'autres. Qui viendront plus tard, bismillah. Donc, il dit Ikra al-amsilat al-atiya, thumma dorf al-farah, thumma yali, tamiyizan likam, wadbut akhirahu. C'est-à-dire, je mets un Tamiz après Kam et écris la harakat qui lui faut à la fin. Mathalan, yakul, Kam uqtan lak, Kam kalaman andak. كم سيارة في الجامعة؟ donc là je fais première rangée je fais كم أخل tu mets comme tu veux كم أختن عندك كم أختن في قريتك là on ne parle عندك on a dit on ne prend pas pour les êtres humains hein on ne prend pas عندك pour les êtres humains non mais là donc كم je mets n'importe quel mot que je veux. Ah oui, mais il faut que tu mettes ta mise. Ah oui. Non. Comme ça, il y a un peu de وكم في كم فندق الشاري على الشاري طب نعم أيوة كم في قريتك كم مدرسة في قريتك نعم ثم donc madrasatan c'est plus un ta tak c'est madrasatan là là là c'est écrit que avec un ta pas comme ça non tanwin alif tanwin fatha comme qalaman fi fasikum non comme shahran ahsan. Combien de mois dans l'année, Nam? Ma. Comme Ajilatan. Darraja, Nam. Comme Falahan. Fiesh. Non, non, Figoul Fatik, Kam Falahan. Ah non, j'ai cru que c'était. Figoul Fatik, bah, Kam Sariran. Non. Tayeb, parfait. Regarde aussi le Wotanwin Fatha, il s'écrit avec un alif. Tayeb. Qalaman. Ouais. Tu mets un alif et deux Fatha. Tayeb. C'est comme ça qu'il s'écrit. Mais pas tout le temps. Par exemple, quand c'est avec c'est marbouta, tu mets juste deux fatha. Tayeb. Rabia, n'yakul hawil mtada fi kulli min jumal atiyati ila musanna. Donc là, il veut que tu changes toutes les phrases musanna. Mathalan, yakul hadha kitabun. Toi, tu dis hadha kitaban. Tayeb. Donc tu fais pareil pour les autres. Pour les autres phrases. Et ça, c'est les yom sabt, inshallah. Le bait. Yom sabt? Non, adan jumwa. Ah ouais? Non. Taïeb, ça c'est le bait. Yakul, Hamisan, Ikra, al-Kalimat, il-Atiya, waktubaha ma'azot, awakhiliha. Mais par exemple, quand tu veux mettre Moussana, l'écriture a changé là. Si c'est Tamadouta, bah tu veux un livre, hein? Et un autre. Non. Voilà. Non, il change pas, c'est juste toi, tu rajoutes. Le alif, le t malmouté devient un t normal. Voilà. Ça y est. Après, tu mets un alif et un autre. Khali hada. Khali hada. Non. اقرأ كلمات الآتية واكتبها مع الضبط أواخرها. تبليلي دي سمولة بشكل على كل الحركات. الباني. نعم دو شيان. مكتباني. نعم دو بيرو. قميصاني. نعم دو قميص. أخواني. أيوة regarde bien. أخ. Tu dis pas أخاني. نعم. Voyez tu dis أخواني. Le واو revient. أخ أو مناس مثنى. أيوة. Tu dis أخواني. Comme le ab, tu dis pas abani, tu dis abawani. Vous voyez ? Fais attention à ça. Non, ça va pas ce qu'on a pris. On n'a pas fait ça. Nous on a pris abouka. Mais si, on l'avait commencé, mais t'as dit si. Non, on m'a posé la question, mais j'ai dit, il m'a dit c'était quoi le moussanna de ar ? J'avais répondu. Mais on n'est pas fait de torsil. Donc ar et ab, au moussanna, le waou il revient. Tu dis akhawani. Vous avez dit il y avait une catégorie de mots, je sais pas quoi. Non, ça c'est pour le dans quand tu les marfour. Abouka, akhouka. Non. Si, les asma les khamsa. Non, asma aussi pas. Ah ouais, mais ça ça rentre pas là-dedans ça. Ça ça rentre pas dans ça. C'est juste pour akh ou ab, c'est tout. Ça rentre pas dans asma aussi pas. Cette règle que je viens de te dire avec ce waou là, maintenant là, non. Ab ou akh, il rentre dans l'asma sita. Mais le moussana avec le waou là maintenant, ça rentre pas dans les règles du asma sita. Et c'est quoi les asma aussi pas en fait ? Ils viendront plus tard, Inch'Allah. Ah, on les a pas fait. On les a pas fait. On a juste pris akh ou ab. Oui, ab ou akh, dans le moussanna, ils ont un hukm spécial, c'est que le waou il revient. Tu dis pas abani, tu dis abawani. Il n'y a que ces deux mots-là. Nam, et akhawani. Il y a d'autres mots peut-être aussi dont la lettre d'origine revient, tu vois. Il y en a d'autres. Mais c'est là n'a que les règles des asma'i sitta. C'est autre chose. Tayyib. Tayyib. Summa. Akmil. Après Akhawani, Mildilani, deux mouchoirs. Istaratani, deux règles. Ukhtatani. La. Ukhtatani. Qu'est-ce qu'Ukhtatani? Ukhtatani. Bonjour, Tayyiban. Regarde bien. Ukhtatani. Non, Ukhtani. Ukhtani. Et Ukhtatani, Halama. Il n'y a pas Ukhtatani. C'est pas Ukhta. Tu connais pas Ukhta. Summa. Imraatani. Non, deux femmes. يقول فني الكلمات الآتية سيارة أختاني ça c'est le deux sœurs t'avais vu alif ou nun t'as le mot d'origine voyez t'avais vu alif ou nun t'as le mot d'origine طيب سيارة c'est quoi le مثنى سيارة سيارة نعم سيارة نعم طبيبة طبيبتان ولد ولدتان لا tu es juste rajouté une fois نعم لغة لغتان صديق صديقتان لا quoi tu fais صديقان il n'y a pas de تاجر تاجر تاجران ملعقة ملعقتان مدرس أظن ومد ونعم مدرس مدرسان باب بابان اسم اسمان هذا هذان هذه هذان حسن نعم أحسنت ثم يقول الكلمات الجديدة كم دوك كم ونا دي سي كوا اسم استفهام للأعداد اسم استفهام pour la quantité للعدد للنمبر pour dénombrer ou pour une quantité للعدد عدد نعم أو الكمية la quantité كم اسم استفهام اسم استفهامية للعدد للعدد عدد العدد أيوه on a pris العيد معروف العيد c'est la fête des musulmans طيب وللمسلمين عدة أعياد سنة الجمعة عيد ايضا الحي الحي سي لو كارتي واحياء احياء سي الجم ركعه معروف سي كي يابلو لونيتي ان صلاه لا لا ما هو كذا قد علمتك لا لا ما هو كذا ما هو كذا نعم كذا الجم دو ركعة في ركعات جم ونف لا الجم نقدم سنة ركعات نعم العجلة ركعات ولا جوسة tous les jours tu le fais non ici ah on a fait dans l'exercice non donc c'est un nom féminin. Et là, la sixième phrase, salatul fajr, raka'atan. Mais raka'at, c'est moins neuf. Il n'y a pas de. Là, il n'y a pas de muzakkar. Al-ajala, c'est la roue. Al-jabr, ajalat. Al-riyal, marlou, c'est la monnaie arabe. Mais al-jabr, c'est riyalat. Riyal, c'est la monnaie arabe. C'est une des monnaies arabes. Ouais, c'est vrai, quand tu regardes bien. Ici, Saoudi, il y a où le Maroc, c'est une arabe. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a. En tout cas, c'est l'une des monnaies des pays arabes, pour l'islam. Mistara, c'est une règle. Taïeb, el jam, masatir. Taïeb, masatir. Donc aujourd'hui, on a pris quoi? On a pris le Moussanna, c'est comment, c'est le duel. Comment définir deux choses en arabe. Voyez, comment définir deux choses. Et donc juste, tu mets, c'est un mot, tu prends son mufrad et tu rajoutes alif wa noun à la fin. Mathalan, qalam, qalamani. Et le noun, il y a une kasra. Voyez, le noun, il y a une kasra. Tu dis qalamani, baytani, pour bayt, baytani, walad, waladani, et ainsi de suite. Ça s'appelle le Moussanna. On a pris le musanna du ism shara hada, c'est hazani. Voyez, on a pris le musanna du ism shara hadihi, c'est hatani. On a pris le damir al munfasil al ghaib, voyez, c'est huma. Voyez, et les mixtes, on a dit les mutlaq. Et pareil, ism mawsul, il y en a, les damir, ils en ont aussi, il y en a d'autres encore. Et on a pris aussi le tamyi, on a pris le nouveau ism istifham qui est kam, voyez, qui prouve l'adad, le kamiya, qui est pour définir une quantité ou un nombre, kam. Et on a dit que le nombre, le mot, le dénombré qui vient après kam, voyez, ça s'appelle un tamyiz, voyez, un tamyiz. Et on a dit quoi, le tamyiz, comment il est, ces trois caractéristiques, c'est qu'il est mansoub, il est mufrad, voyez, et nakira. La salade est cool. Kem achan lak. Combien de frères as-tu? Voilà. Maya tarak bidersina l'yom. Et andak, andak, c'est quoi ça? C'est un zorf, anda, on a dit. Anda, andakum. Anda, c'est un zorf. Et le truc qui vient après, c'est un bouddha filet. C'est un dame et un bouddha filet. Naam. Taïeb. Faïla huna. Walhamdulillah.